l'entité maîtresse et la personne de type Yin, enregistrement produit lors du mois d'octobre de l'année 2024. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'un texte qui a été écrit par Francis de Montréal. Donc c'est en lien avec un échange que j'ai eu avec lui, un échange qui a été confrontant par rapport à ma personne, mais qui a une certaine vibration par rapport à ça, d'où le fait que j'ai décidé de vous en partager des extraits. En fait, si vous trouvez intéressant la lecture du texte qui suit, vous pouvez en retrouver d'autres là, que je fais la lecture par rapport à ma chaîne YouTube où il y a une chaîne qui s'intitule Francis de Montréal, qui est en lien avec les échanges courriels que j'ai avec cet interlocuteur particulier. En fait, il va être question de l'entité maîtresse, donc entité dans le sens de force qui va chevaucher l'individu, et surtout de la personne de type Yin. Donc, par rapport aux philosophies orientales, il existe les notions de Yin et de Yang. Le Yin, c'est le côté féminin. Yang, c'est le côté masculin actif, alors que le Yin, c'est le type féminin, donc plus passif dans la réception. Et les individus, qu'ils soient masculins ou féminins, ils vont être plus de polarité de type Yin ou de type Yang. Dans mon cas, je suis plus quelqu'un dans la perspective de la réception, plus de type Yin. Donc, dans ma manière d'être en termes de psychologie, bien que je sois un homme sur le plan biologique masculin. Et en lien avec cette psychologie-là, ben c'est sûr que ça va teinter mon rapport à l'occulte. Puis ça peut être intéressant pour les gens d'étudier, pour voir si sont plus de type Yin ou de type Yang, parce que ça va colorer naturellement leur comportement dans le quotidien. Quelqu'un plus de type Yin, par exemple, va préférer faire des activités de méditation, des mouvements qui sont lents et calmes, faire du yoga, que, par exemple, de faire de la boxe ou de la lutte. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour mettre un petit peu en contexte le terrain, mais il fait une très grande étude, je trouve, par rapport à la personnalité de type Yin, puis il met en lumière certains éléments là, à travers son propos, d'où le fait que je l'aborde dans le cadre de l'enregistrement présent. Donc, je vais commencer la lecture. Il va faire référence à moi puis une autre personne que dans son écrit. Puis, bon, l'autre personne, je vais l'appeler tout simplement J. Donc, je fais la lecture de l'extrait. « Toi et J, David, vous absorbez les forces alors que vous devez leur faire la guerre à cause du yin que vous faites ça. Le yin absorbe, c'est un principe féminin. Le fait de les absorber vous empêche de leur livrer une guerre. Vous leur en voulez à cause que vous les aimez trop. Vous les sentimentalisez au lieu de les prendre de plein pied et de les confronter froidement. Vous partez perdant à cause de vos grands sentiments envers elles, et cela bousille tout ce que vous pourriez faire pour leur tenir tête. C'est automatiquement anéanti à cause de votre trop grande bonté, générosité et ouverture. Vous devez vous fermer à elles pour leur parler, c'est-à-dire vous activer dans votre yang. Moi, j'ai dû et dois m'ouvrir à elles pour les recevoir, mais vous n'êtes pas capable de les recevoir à cause de votre trop grande proximité avec elles. Vous devez sortir de la fusion, David. Vous êtes perdu dedans en ce moment. » Ça semble un paradoxe parce qu'on se dit « Voyons, Calis, le plus près, c'est le mieux. » Mais non, ça ne marche pas comme ça avec elles. Une saine distance est nécessaire. Donc, ton problème est une trop grande proximité avec elles. Je le vois. Elles envahissent ta vie et tu dois t'en protéger. Jusque-là, on est d'accord. Là où on n'est pas d'accord, c'est que tu te défends à cause d'un mécanisme psychologique avec un mécanisme psychologique par un mécanisme psychologique. Tu te dis là, j'en ai assez et avec raison, donc je coupe. Mais comme le travail n'a pas été fait préalablement, tu coupes avec une forme de violence psychologique et tu t'en veux probablement là-dedans, j'imagine, par la suite. J fait exactement la même chose. Je ne lui en veux pas parce que je comprends ce qu'elle essaye de faire. Elle est écœurée d'être envahie, dépossédée à elle-même. Elle est écœurée de souffrir, alors elle utilise les moyens qu'elle a pour se défendre. Mais ce n'est pas les bons. Ce n'est pas le fait de se défendre qui est le problème, David. Bien sûr que non, mais c'est les outils que vous prenez pour vous défendre qui sont hors de portée. Le travail doit être fait de la bonne manière avec les bons outils. On ne peut pas envoyer brûler les choses dans la vie comme J le fait et peut-être tu le fais aussi. Faut les confronter. Vous, c'est tout ou rien. Soit vous êtes très ouvert ou soit très fermé, mais c'est pas là que ça se joue. Vous devez confronter l'entité maîtresse et non pas vous fermer ou vous ouvrir au monde comme des yo-yo. Laissez le monde en dehors de ça. Ça concerne vous et votre source. Vous et votre créateur. C'est lui le problème, David. C'est à lui que vous devez faire une guerre et non à nous, les humains. Votre problème est entre vous et votre source et pas ailleurs. Alors ne jouez pas à vous ouvrir et à vous fermer au monde pour compenser ce truc-là qui n'a pas été réglé. Le monde. Le monde en tant que tel est une conséquence de votre rapport à votre source. Le gain de territoire que vous cherchez à avoir doit se prendre en haut et non en bas. Il doit se prendre avec eux. Et non avec nous les humains. Vous pouvez vous en détourner et jouer avec la forme, mais ça ne change rien. Une confrontation doit avoir lieu et seul, vous pouvez vous libérer. Vous cherchez tout le temps des techniques de mieux-être, mais ça se joue directement entre vous et lui, et non pas avec un jeu de la forme dans vos vies. Vous vous compliquez donc la vie pour rien. Au lieu de confronter bing-bang d'un coup ce qui vous retarde, vous le contournez, jouez avec, faites du sens avec. Bref, vous perdez votre temps. Vous jouez tout le temps un rôle, un personnage, tant que ce travail de confrontation n'a pas été fait pour vous, par vous. C'est pas à eux autres de vous libérer. J veut que son mari et sa famille et où l'argent la libère. Ça ne marche pas comme ça, David. Vous pourriez être libre tout ce temps-là, mais vous devez confronter l'entité pour ça, David. Seul, vous pouvez vous libérer, David. C'est un problème entre vous, votre source, que vous avez, et non un problème avec les hommes. Ce n'est pas que vous n'aimez pas assez ou trop les humains, mais votre rapport à votre source doit être égalisé, sinon tout sera tout le temps foutu et jeté à l'eau en permanence comme effort. Le problème est avec votre créateur et non avec le reste. Le reste est une conséquence de votre rapport au divin David. Vous devez vous choquer et être vraiment écœuré de la manipulation pour mettre fin à ça. Tant que vous n'avez pas été suffisamment manipulé, vous jouez et jouez avec la forme et retardez votre évolution. Ça marche de même, David. Tout est entre vos mains, à vous et vous seul. Vous jouez à être des enfants, mais vous n'êtes plus des enfants depuis longtemps, David. Vous refusez de prendre vos responsabilités et personne d'autre que vous est à blâmer pour vos échecs, David. C'est trop facile d'en vouloir à son parent alors que nous refusons de voir les choses en face et demeurons des gamins. C'est notre problème, à nous, et non celui du monde. C'est à nous à intervenir pour nous. On en veut au monde pour protéger Dieu, alors qu'on devrait en vouloir à Dieu pour protéger notre monde, David. C'est inversé. Celui qui lui dit quoi faire, il doit apparaître et confronter Dieu. Il doit se mettre, s'élever à la hauteur de Dieu. Le yin se fait trop petit. Il doit prendre sa place cosmique en étant sur Terre. Il a un faux rapport à l'autorité qu'il confond au pouvoir, alors il rejette ce qu'il pense être de la domination. Autorité n'est pas domination. Trump est autoritaire, mais pas un violent. Il aime le monde, mais il doit les protéger, alors il n'a pas le choix d'être autoritaire. Le monde ont peur de ça, mais ils ont tort. Encore une fois, le yin doit émerger. de ses très grands sentiments, de ses très grandes peurs inconscientes qui lui font refuser beaucoup de choses. Il est son pire ennemi. Le yin est un principe émotif, mais il manque de structure, donc il se noie dans ses émotions sans le savoir, et ses peurs ont le meilleur de lui. Peur de lui, peur des autres, peur inconsciente. C'est ça. C'est sa trop grande proximité avec sa source qui fait ça. Ça semble être un paradoxe, mais non. Il est trop pur. Il a trop préservé son cœur d'enfant, sa noblesse. Il doit quitter cet absolu pour vivre dans la matière. Et là, il va se protéger des forces qui lui dictent ses pas. C'est fucké parce que il ne veut pas parler aux forces, mais cette conséquence, c'est qu'il demeure dominé par elles. C'est en leur parlant aux forces qu'il va finir par briser le contrôle qu'elles ont sur lui. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas les toucher. Elles seraient immaculées. Faut pas les croire. Faut une diffusion. Tu souffres d'une trop grande proximité avec ton créateur, David. Je te comprends, David. C'était pas à eux à nous dire quoi faire, mais sache que ce que tu penses qu'il va se passer quand tu vas les confronter n'est pas ce que tu penses. Tu vas le découvrir. Ne pense pas que tu sais quelque chose que tu ne sais pas encore, David. Vis d'abord l'expérience avant de préjuger de quoi elle sera faite. Tout est neuf dans sa source, tout. L'astral te dit quoi sera fait ton expérience pour ne pas que tu la fasses parce que l'astral va mourir si tu la fais. Alors tu dois douter de ce que tu penses savoir, David. Tu dois vérifier si c'est vrai et ne pas le supposer. Tu dois toujours t'en assurer par toi-même et ainsi refuser de te faire dire quoi faire, comment c'est fait, de quoi c'est fait. Ça me fait chier, ça, avec les yin, David. Ils crient à la justice et à la domination des plans alors qu'ils sont eux-mêmes possédés par les plans dans leurs plaintes. Ils sont contre la domination, ça les répugne. Avec raison, mais ils en sont victimes, ils entretiennent leur domination. Ce qui les fait le plus chier, ils vivent dedans, ils restent dedans. Tout en criant au monde que ça les fait chier, mais pourquoi restent-ils dedans si ça les fait tant chier que ça? Ma réponse, c'est parce qu'ils aiment dominer les autres. Ils disent qu'ils sont contre la domination, mais c'est pas vrai. Ils aiment avoir le pouvoir et dominer les hommes. Ça leur donne un thrill. C'est hypocrite de leur part de faire ça, de jouer à la sainte nitouche. La personne qui est contre la domination, eh bien, elle arrête d'en faire et elle en sort. Vous, vous êtes contre, mais vous restez dedans parce que ça vous donne des avantages que vous aimez bien, David. Ça vous donne de la supériorité. Ça vous rend inatteignable et puissant. Alors, c'est dur de renoncer à dominer les autres quand on a un thrill comme ça. On aime trop le pouvoir. C'est l'astral en nous qui fait ça, David. Nous sommes victimes de l'astral, David. Tu penses que tu ne domines pas, David? Faux. Tu vas forcément dominer intellectuellement le monde tant que tu n'auras pas confronté l'entité maîtresse. Tu joueras à celui qui sait des choses. Il les sait en théorie, c'est vrai, car il est collé sur sa source. Il bénéficie des avantages de cette proximité, mais en s'éloignant de sa source, il va devoir savoir par lui-même et supporter seul son savoir. Et là, ça va le construire. Avant ça, ça ne vaut pas de la merde. C'est juste du blabla. Tant que sa vibration individuelle n'est pas incluse dedans, il est et demeure utilisé par les plans de la mort. Simple. C'est à lui de grandir, de faire son chemin seul et de quitter ses contrats astraux qui lui donnent des avantages. Il veut tout avoir, mais ça ne marche pas de même. Il doit donner pour recevoir. Pas demeurer dans sa toute-puissance et sa proximité avec Dieu, mais bien construire sa proximité avec lui-même comme refuge premier. À partir de là, sa volonté sera réalisée, mais pas avant. Pas dans les désirs du monde, mais bien quand il aura la maîtrise de ses propres désirs à lui. Donc, c'est ce qui termine cette lecture d'un extrait d'un texte que m'a partagé Francis de Montréal. qui se veut très confrontant par rapport, dans le fond, à ma personne, puis par rapport au type Yin. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Bien, c'est que chaque personne peut être manipulée à son insu par rapport à certaines forces, puis ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir la perspective d'une personne extérieure à lui pour être capable de le confronter par rapport à certains aspects dans l'optique que des prises de conscience se fassent. Il y a un adage qui dit naturellement qu'on n'est pas intelligent tout seul. Donc, autrement dit, les angles morts qu'on n'est pas capable de voir, un peu comme quand on est en situation de conduire un véhicule automobile, bon, ben, il y a des parties qu'on ne voit pas, là. Donc, à ce moment-là, ça prend quelqu'un d'extérieur qui va nous aider à les voir parce que quand on conduit le véhicule, c'est facile de voir en avant, en arrière, mais c'est difficile sur le côté où ce qui peut avoir des angles morts, puis on peut à ce moment-là heurter, par exemple, une auto si on ne regarde pas de côté quand que on va changer de voie là, en se déplaçant en véhicule automobile. Bon, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qu'on ne voit pas et quelqu'un de type Yin, il y a des aspects de sa personne qu'il ne voit pas, qui peuvent être des failles, qui l'empêchent de monter en vibration. Et c'est la même chose pour le type Yang. C'est sûr que ce qui pourrait être intéressant en complémentarité avec la lecture du texte, qui est très confrontant par rapport aux gens qui sont plutôt de polarité Yin, ben c'est le contraire aussi. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'éventuellement, l'individu qui vit le processus de la fusion va être appelé à être harmonisé par l'énergie de l'esprit dans l'optique d'un plus grand équilibrage. Dans le fond, qui va le sortir des polarités et des effets de polarisation astrale, dans une certaine mesure, là, dans le sens que c'est pas parce que l'individu fusionne qu'il n'y aura plus un sexe biologique masculin ou féminin, là, sur le plan physique. Par contre, il y a des éléments de sa psychologie, associés, par exemple, à son identité sexuelle qui peuvent être modifiés ou à sa polarité énergétique comme yin ou yang, là. Parce que l'énergie va le travailler. Mais ce n'est pas évident à comprendre, à cerner, à intégrer. Donc, c'est sûr que la transformation énergétique par rapport à ça, dans le fond, ce qui peut être intéressant à aborder, j'avais eu un échange là, avec lui là, qui m'a amené. Des fois, il m'amène à dire des choses que je pense que ça peut être intéressant d'élaborer davantage là, par rapport à ça. Dans le fond, c'était par rapport à la colère mentale. C'est-à-dire que quand on est sur le pilote automatique dans nos vies, on peut être plus de polarité yin, plus de polarité yang. On peut vivre aussi en fonction d'une programmation astrologique. Moi, je suis Verseau ascendant balance, donc dans le volet balance. Ça peut être mis en relation avec la polarité yin, c'est-à-dire la balance, il y a un côté passif, la personne va hésiter, elle va évaluer, elle va, un peu comme l'image de la balance, elle va peser les pour et les contre avant d'agir, donc elle peut être facilement dans l'intellect, elle peut aussi, à cause qu'elle analyse beaucoup, ben, elle est moins dans l'action qu'un autre signe, comme par exemple le bélier qui va foncer, qui va être plus impulsif. Donc, la balance peut être plus dans la retenue, mais pour se libérer, par exemple, du mouvement de la retenue, de la balance, c'est l'éruption dans le mental de l'individu, de la colère mentale qui va activer la personne pour court-circuiter l'influence de la programmation astrale, voire astrologique, ou de polarité yin ou yang. Mais pour ça, c'est un petit peu comme s'arracher à la force gravitationnelle. Donc, ça prend une énergie qui est extrêmement forte parce que la force gravitationnelle qui fait que la plus petite masse est attirée par la plus grande masse, ce qui fait que, par exemple, la pomme qui va se décrocher de l'arbre va tomber vers le sol, est attirée vers la terre étant la plus grosse masse alors que la pomme est plus petite. Ben, c'est un principe de la physique. Il y a des principes en lien avec la dimension astrologique qui fait en sorte que si on est sur le pilote automatique, ben, on agit en fonction d'une programmation qui nous est attribuée à notre naissance en relation avec le plan astral, en temps calme. Mais pour que la personne connaisse une sortie de cette programmation, ça prend l'éruption de l'esprit. L'esprit, c'est une puissance qui peut arracher l'individu, libérer en fait momentanément l'individu ou s'opposer, je vais employer ce terme, s'opposer momentanément à l'influence de la force de la programmation astrologique. Donc, quelqu'un qui est très yin, puis c'est dans le fond, c'est le pilote automatique, il agit comme ça. Bon, pour agir d'une manière autre, et la personne qui est plus introvertie, comment dire, de s'allumer tel un feu lors d'un moment fugace de colère mentale, ben, il faut qu'il y ait l'éruption de l'esprit pour ça. Et l'esprit va permettre à l'individu de se détacher de la programmation astrale, mais c'est un tour de force. C'est un petit peu comme la personne qui veut par elle-même lutter contre la force gravitationnelle. Bon, mais ben, si elle n'a pas une force qui est inversement proportionnelle à la force gravitationnelle, ou une force qui est suffisamment grande, devrais-je dire, pour neutraliser son influence, ben, est assujettie par elle. La plus petite masse est attirée par la grosse masse. Donc, la personne qui est investie par de l'astral est attirée par le gros égrégore astral. Donc, c'est comme l'individu par rapport au collectif. Donc, la personne qui vit au Québec va être influencée par la collectivité que représente le peuple québécois, au même titre que, par exemple, si on le voit à travers l'expérience du centième singe en relation avec la théorie des champs morphogéniques, bon, ben. Si, y a des singes qui se mettent à laver les patates qu'ils mangent avec de l'eau salée, puis ils trouvent ça bon, l'eau salée sur les patates, parce que ça donne du goût, bon, ben, des singes à une très grande distance de d'autres singes qui font ça, sont même séparés par des lieux géographiques parce qu'ils se trouvent sur des îles qui ne sont pas les mêmes, peuvent avoir le même comportement à cause du champ morphogénique. Auxquels les singes appartenant à la même espèce sont liés psychiquement. Et c'est la même chose par rapport à l'être humain, par rapport au collectif. Moi, en tant qu'individu vivant au Québec, ben, je suis influencé par l'égrégore des Québécois. Mais pour me sortir de cette influence-là, ça prend le surgissement de l'esprit qui est une force qui va court-circuiter l'impact de la force du collectif sur ma conscience, au même titre que. Si, par exemple, on réussit à neutraliser l'impact de la force gravitationnelle qui font que quelqu'un sur le pilote automatique, ben, il va agir en lien avec l'influence d'une force qui peut opérer à son insu puis l'amener dans une direction. Et pour s'extraire de tout ça, ben, ça prend l'éruption de l'esprit. Et pour ça, ben, il faut que l'individu soit en mesure de confronter l'entité maîtresse qui le lie au plan astral pour neutraliser son influence et monter en autorité mentale. Mais là, ça, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Ça prend une mise en vibration par rapport à ça. Et lorsque ça se fait, ben, la personne peut neutraliser l'impact de certaines forces dans sa vie. Mais ce qu'il faut que la personne comprenne aussi, c'est que si l'esprit est présent dans la vie d'une personne, elle peut momentanément s'équilibrer, monter en vibration, mais la minute que la personne est récupérée par l'astral parce qu'elle vibre à la peur, mais elle retombe dans l'assujettissement des forces astrales qui le manipulent dans une direction qui lui échappe et qui va l'amener dans une direction différente de celle de l'esprit. Et pour neutraliser la peur, ben, ça prend la colère mentale, parce que la colère, c'est un processus d'activation énergétique. C'est intéressant d'étudier les lois de l'énergie qui sont en lien avec certains phénomènes psychologiques aussi. Prenons par exemple les gens qui ont des problèmes d'anxiété. Bon, ben, dans certains cas, l'anxiété est en relation avec de la colère non exprimée. Et dans certains cas, il y a des personnes qui sont atteintes d'un trouble d'anxiété généralisé et ce qu'elles ont à faire, c'est tout simplement, dans le fond, être capable d'avoir une parole plus vibrante, plus porteuse de la colère de l'esprit et ça va neutraliser la peur qui est en relation, dans certains cas, avec la colère refoulée, retournée contre elle-même et ça va permettre à ces gens-là de monter en puissance énergétique. Donc, il y a des principes. Dans le sens que la colère a une vibration plus haute que la peur, puis la colère peut être une force qui libère l'individu des chaînes mémorielles qui sont en lien avec des traumatismes du passé qui l'attachent à la peur. Mais pour monter en colère vibratoire, ça prend une puissance de volonté, au même titre que dans le fond, pour s'extraire d'une programmation planétaire. Mais pour s'extraire d'une programmation planétaire, il faut que l'individu soit investi d'une énergie qui est porteuse d'une programmation cosmique émancipatrice et que ça s'inscrit dans le cadre d'une destinée. Et naturellement, l'individu ne peut pas vouloir ça subjectivement ou psychologiquement. Quelqu'un peut écouter l'enregistrement d'aujourd'hui puis dire: bon, je me reconnais dans le côté yin, c'est vrai que j'ai tendance à être passif, etc., à me plaindre, à jouer à victime. Sauf que le point, l'observation, c'est une chose, mais la mise en puissance de l'individu à travers une parole qui va redéfinir la personne sur le plan énergétique et porteur d'une énergie transformatrice qui va modifier sa manière d'être au monde et ses comportements par la suite, c'est une autre. Dans le sens que la vibration s'est intégrée, elle est porteur de nouvelles manières d'être, de nouvelles façons de parler, d'agir, etc. C'est une modification de l'individu qui s'opère, mais c'est pas qui veut expérimenter ça, mais c'est qui peut parce qu'il doit avoir la contenance énergétique de transiger avec l'esprit puis d'intégrer sa vibration. Mais pour intégrer sa vibration, il faut être capable de le confronter, de le contester, pour égaliser son rapport à lui. Parce que tant que l'individu est à genoux devant la grandeur de l'esprit qui va mettre sur un piédestal, tant que l'individu à ce moment-là vient un rapport de soumission à l'occulte, qui va le garder entre autres dans un rapport polarisé par rapport à lui, dans le sens que si la personne est passive par rapport à l'occulte, puis elle passe son temps à prier par rapport à la grandeur du petit Jésus, ou à faire de la méditation pour se rapprocher de sa sainteté Bouddha, ben, l'individu qui agit en fonction d'être spirituel idéalisé, il n'est pas dans son identité, puis il n'est pas dans le déploiement de sa créativité qui lui permet de s'émanciper des formes qu'il rattache au collectif ou à l'histoire, et entre autres à l'histoire de l'humanité qui en fait partie. Mais l'individu qui vit de sa singularité ne se définit plus comme étant yin ou yang. Il se définit par-delà les catégories en étant la vibration qui est au-delà de la forme. Donc, il se libère de l'assujettissement à la personnalité psychologique, dit autrement, qui est en relation avec une polarité, que ce soit masculine ou féminine. En passant, chaque polarité sert. Chaque polarité sur le plan psychologique a des forces et des faiblesses. Par contre, l'individu qui est conscient agit par-delà ça pour être capable de déployer une vibration dans le moment présent qui est imprévisible pour l'individu calculateur ou psychologique. Donc, c'est ce qui avait été dit par rapport au sujet de cet enregistrement. Naturellement, pour ce qui est de la question de l'entité maîtresse, bon, ben, l'entité maîtresse est neutralisée par l'individu qui monte suffisamment en vibration pour être libre de sa domination et son agitissement. Ce qui veut dire que si l'individu est faible et se sent écrasé, il doit, dans le fond, modifier son rapport avec elle pour l'horizontaliser et ainsi, dans le fond, ne plus être assujettissable pour rien parce que l'individu qui est un avec l'esprit, il n'y a aucune autorité au-dessus de sa tête. Il n'y a pas d'autorité d'entité angélique, extraterrestre, intraterrestre ou autre. Non, il est fasciné par rien. Il n'y a pas d'autorité de la reine, du roi, du premier ministre, des vedettes, les idoles qu'on va appeler des temps modernes, c'est-à-dire les vedettes de la musique, les rockstars. Non, aucune autorité au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il est vide dans le mental. Donc, c'est ça le point. C'est ça qui avait été dit dans le cadre de l'enregistrement présent. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.